T'as pas perdu la main. Attention, moi je suis obligé de mettre une voix. Sans une voix, moi je peux pas. Parce qu'à un moment, comme c'est un loop, je trouve que la voix, allez, fait que du coup, allez, je la mets pas tout le temps, de temps en temps, tu vois, je la coupe, je la mets. Mais tu vois, la voix pour moi, si je la mets pas, très vite je vais m'ennuyer. Très, très, très, très vite. Je trouve que la voix, ça permet de glue quelque chose. Parfois, ça sert à rien. Parfois, ça. Mais souvent, ça me permet de go on, go on, go on sans problème. Et ça, c'est. Thank you.